Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Le son des cloches nous fait passer à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. Le temps des fêtes est un bon temps pour fraterniser avec les gens qu'on aime. Et l'équipe de Batterie Expert aimerait souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à ses clients et amis. Et les remercie de leur confiance durant l'année qui s'achève. Batterie Expert au 356 8e Avenue à Dolbeau-Mistassini au 418-979-7812. On continue nos grandes entrevues dans la section entrevues de danradiosport.com. Et là, je fais une entrevue avec quelqu'un que je suis allé à l'école avec, imaginez-vous donc qui est rendu, donc je le connais très très bien. C'est l'arbitre de la Ligue nationale, Justin Saint-Pierre. Salut Justin. Salut Denis, ça va bien? Ça va bien. Justin, évidemment, d'abord, je voudrais, évidemment, c'est une entrevue human, c'est une entrevue pour connaître ton parcours, qu'est-ce qui... Je connais un peu ton parcours, mais on a même été école avec. J'ai même été école avec toi, donc je le connais pas mal. Mais le goût du hockey, le goût du sport, ça est arrivé à quel moment pour toi? Oh, écoute, j'ai joué au hockey toute ma vie, puis je joue encore même au hockey, puis Quel âge que tu te rappelles, là? Oh, je me rappelle, je me rappelle quand j'ai commencé à jouer au hockey, j'étais jeune, puis je me rappelle de toutes ces années-là, c'est des... Parce que toi, tu viens d'Albanel, donc les matchs de village, t'as connu ça, j'imagine. Tu jouais à Normandin? Je jouais à Normandin, puis je jouais à Dolbeau, quand t'as la passion d'un sport, là, tu t'oublies pas ça, ces années-là. Je me rappelle de tout ça. Là. OK, donc, Atome, Pee-Wee, Moustique, tu jouais à Dolbeau ou à Normandin? J'ai joué à Normandin. Moustique, Atome, Pee-Wee, j'ai joué à Normandin, puis après ça, j'ai commencé à Dolbeau dans le Bantam. Okay. Je me rappelle, j'avais été au même session, j'ai joué au même session aussi. Puis t'étais dans le doublette? J'ai fait du double L, j'ai fait du 2B, après ça, Bantam 2B, Mississippi, Midget 2B à Dolbeau. OK, ouais. OK. T'étais-tu un bon joueur? Parce que moi, je me rappelle au Hockey Cosum, on jouait au Hockey Cosum à Jean Dolbeau, je sais pas si tu te rappelles de ce que je parle là. Mais c'est sûr que c'est du Hockey Cosum dans une... C'était vraiment là, pour le fun, mais comme joueur, t'étais-tu un bon joueur? Moi, j'étais quand même pas si pire. J'étais vite. J'étais pas gros, mais j'étais assez vite. Fait que j'étais quand même un pas pire joueur. OK. Un des joueurs étoiles dans le midget ou dans la Ligue générale? Non, pas midget. Non, j'étais pas joueur étoile. J'ai pas joué beaucoup midget. Okay. J'ai commencé à arbitrer dans ce temps-là. Fait que quand j'ai commencé à arbitrer, là, ça... Mon hockey, il a baissé beaucoup après ça. Puis c'est quoi l'intérêt? Pourquoi t'as switché vers l'arbitrage? Parce que tu voyais, tu voulais aller loin, tu voulais aller, puis tu disais comme joueur, j'ai pas le talent. Parce que Phil Desgoyens dit souvent qu'il y a beaucoup plus de chances d'être dans la Ligue nationale comme arbitre que comme joueur. Donc c'est-tu parce que toi, tu voyais à l'époque, tu voyais que tu disais, regarde, j'ai peut-être pas d'avenir comme joueur, je vais m'envoyer comme arbitre? Ou tout simplement, tu te voyais même pas comme arbitre longtemps, là? Non, écoute, je me voyais comme arbitre. Écoute, comme tu dis, j'avais pas d'avenir comme joueur de hockey, c'est sûr, puis fait carrière là-dedans. Okay. Puis j'avais la passion du hockey, puis je voulais rester dans le hockey. Puis je connaissais le règlement, j'avais un bon coup de patin, fait que j'ai dit, je vais y aller comme arbitre. Puis je me rappellerai toute ma vie, quand j'ai commencé ma première game junior 2A que j'avais faite à Dolbeau, faisait tempête, puis j'avais été appelé pour faire... J'étais pas vieux, là, puis j'avais... Michel Tremblay m'avait appelé le lendemain, le journaliste qui est décédé. Puis il m'avait appelé, puis j'avais dit, Michel, un jour, aussi, il m'a arbitré dans le pro, puis quand j'avais signé mon premier contrat dans l'Union nationale, ça a été le premier journaliste que j'avais appelé. Toi, c'est un genre. Parce que l'arbitre, c'est la tête de tuc, là. Ça te fait certainement pas jamais touché, là, parce que t'es rendu à l'Union nationale. Mais est-ce que ça t'a déjà marqué, tu sais, de te faire crier après ou tu t'en fous tellement grand? Oh, écoute, ben c'est sûr que je me suis déjà fait crier après. Je me rappellerai toute ma vie des championnats provinciaux à Montréal, à Saint-Léonard, quand j'avais fait le pilote 2A, puis j'avais fait la finale. C'était deux équipes de Québec, puis j'étais sorti de l'aréna avec une punition de overtime, puis une équipe qui avait perdu normal la logique. Là. Fait que je m'avais fait tirer du café, du popcorn, de la liqueur. Ah ouais. Tu sais, t'étais en sous, t'étais en habit, puis... Mais toi, c'était jamais touché, ça. C'était jamais touché psychologiquement. Ben là, ça t'as-tu fait déjà de quoi ou tu t'es fait vite une carapace à ça? Oh, écoute, au début, c'est sûr que cette histoire-là, ça m'avait fait. C'est Doug Eward qui m'avait parlé de junior majeur en 2003. C'est lui qui m'avait ramené parce que je voulais tout arrêter ça. Puis Doug m'avait parlé, tu sais, ben oui, c'est sûr que je voulais arrêter. Puis j'étais bien découragé de ça. Mais écoute, à partir de là, je me suis fait une carapace. Puis à ce temps, ça me dérange plus. Je trouve ça drôle. Le monde qui crie à présent. Je trouve ça triste. Présentement, là, c'est ce qui se passe en 2020-2021, qui va se passer en 2021, ça va arriver encore. Ouais. Je trouve ça triste des parents qui crient après les arbitres de même parce que les jeunes, il n'y a plus de jeunes qui ont des grosses carapaces, qui sont capables d'endurer tout ça. Il y en a qui trouvent ça triste, il y en a qui veulent arrêter d'arbitrer, puis c'est pour ça qu'on manque d'arbitres présentement au Québec. Là, c'est à cause des parents. C'est-tu pareil dans les autres sports? Dans le baseball, je sais pas, hein. C'est une question que je réfléchis tout haut. Dans le baseball, dans le soccer, dans le football, c'est-tu... Il me semble que c'est moins pire. Est-ce que je me trompe? Ben, je pense, moi, au football, là, je pense que c'est moins pire. Au baseball, écoute, j'y vais au baseball, moi, l'été, où je joue au voyageur souvent, j'aurai des billets de saison-là, puis le monde n'est pas tout le temps correct avec les arbitres. Puis c'est que j'aime, au baseball, il y a des arbitres qui sont capables de se virer puis à regarder la personne en voulant dire, gars, écrase un peu, là, c'est pas... Écoute, c'est pas un travail qui est facile, le monde... Non. C'est, j'aimerais ça que le monde qui crie après les arbitres, tout ça, j'aimerais ça qu'à un moment donné, qu'ils mettent soit un chandail rayé, ben... Un gilet d'umpire qui a arbitré une game de baseball et qui vient de faire une game de hockey pour le montrer. Puis moi, je l'avais même parlé au hockey mineur à Jonquière de faire ça avec les parents. Faire une game de hockey à un parent par semaine, puis lui montrer c'est quoi une game de hockey, puis arbitrer une game de hockey. Ils m'ont trouvé ça, ils m'ont peut-être trouvé ça moins drôle, mais qu'il retourne dans les strates, qu'il regarde jouer le garçon. Ouais. Justin, on dit souvent que c'est la foule, c'est, j'imagine que tu l'as pris de main. C'est pas contre toi qui en veulent, c'est contre ton chandail que tu portes. Je pense mon temps à le dire aux jeunes. Le monde ne se forge pas personnellement, c'est plus après ton chandail. Tu vas l'enlever ton chandail, puis t'as encore des problèmes que t'en connaîtront même pas, mais qui sont de l'arène. Donc, on revient à nos moutons. Là. Donc, tu étais junior régional avec les Castors. Tu avais dit, Michel Tremblay, un jour, je vais arbitrer. Là, par la suite, c'est qui se passe avec toi? Oh, écoute, j'ai commencé, j'ai fait un an de junior 2A. Après ça, j'étais allé à Doug Eward, il avait appelé Sylvain Milton. Sylvain Milton, c'est un arbitre chef régional. Okay. Puis, il a voulu venir me voir. J'étais allé faire un... J'ai monté du lac. Je suis monté à Chicoutimi faire un midget 2B. Doug Eward est venu voir là, puis l'année d'après, j'ai monté au midget 3, puis dans le tiers 2. Il appelle ça le junior 3. Ouais. Puis j'ai fait un an là, puis après ça, j'ai fait junior midget 3, j'ai commencé au junior majeur après ça l'année d'après. Okay. J'ai fait la Coupe Air Canada la deuxième année midget 3, puis après ça, je me suis ramassé en plein temps dans la ligue junior majeur du Québec. Puis là, c'est Andy Van Allemann qui a appelé Doug Eward. Pour que j'y aille arbitrer dans East Coast. Fait que fallait que j'y aille apprendre l'anglais. Fait que je suis parti, j'ai fait 3 ans junior majeur, puis je suis parti dans East Coast pendant 5 ans. T'as arbitré dans le roller hockey aussi, me semble. Oui, je suis allé faire du roller hockey international en Californie avec mon chum Michel Boyer qui reste là-bas. Ça fait 30-40 ans. Fait que je suis pensionné chez eux. Puis j'arbitrais dans la Ligue internationale pour apprendre l'anglais. Puis toi, j'ai passé l'été là. Fait que je suis allé 2 ans. Les faits, c'est quand même été très vite, là. Ça a quand même... t'as regardé ça, t'as grandi les échelons quand même assez vite. Sais-tu quoi? J'ai gravé les échelons vite, mais ça aurait pu aller encore plus vite si j'aurais su... J'aurais parlé l'anglais. OK. Il y a Brian Lewis qui me l'a déjà dit que... Puis Brian, je l'ai vu, là, pas peut-être 7-8 ans, il dit, oui, si t'aurais parlé l'anglais, tu serais fait... ça ferait bien plus longtemps que ça de t'arrêter dans l'année nationale. Puis écoute, c'est quand je te dis que. Est-ce que ça a un lien d'après toi avec la Ligue? Parce que ça a été long avec l'arbitre des matchs des séries éliminatoires. Est-ce que ça a eu un lien d'après toi? Sûrement? Non, pas aucun rapport avec. Non. Non, mais si t'aurais grandi plus vite, probablement t'aurais monté plus vite. Puis ça a un lien par rapport à ça. Non, écoute, il y a des arbitres qui arbitrent dans l'année nationale, puis il y en a qui ont arbitré longtemps, puis ils n'ont jamais fait de playoff. Ça fait partie de la game. Puis écoute, moi je prends pas de décision, c'est eux autres qui prennent des décisions. Puis... OK. Fait que ça fait c'est de même. Okay. Puis là arrive, Justin, vraiment le junior majeur, Ligue nationale. C'est une coche à chaque fois. Là. Ça prend combien de temps vraiment là, à t'acclimater? Quand tu changes de ligue, on dit putain qu'un joueur de hockey, c'est une fraction de seconde. C'est la même chose pour un arbitre? Oh, écoute, c'est la même affaire. C'est sûr qu'il y a une grosse course. Encore des joueurs de hockey qui sont pas capables de faire. Ils font le junior majeur, ils pètent des scores dans le junior majeur. Ils arrivent dans la Ligue américaine, ils sont pas capables. Ils vont dans la Ligue américaine, ils pètent des scores dans la Ligue américaine, ils sont pas capables de faire la Ligue nationale. Il y a une course de la Ligue junior majeur à East Coast, de la East Coast à la Ligue américaine, puis de la Ligue américaine à la Ligue nationale, c'est sûr. Mais moi, j'ai appris beaucoup dans East Coast parce que c'est une ligue qui brassait beaucoup. Ça brasse plus de même à cette heure. Mais j'ai appris des choses là-dedans, ça a été incroyable. Plus que la Ligue américaine? Ça m'a fait grandir. Plus que la Ligue américaine? Ben oui, ça m'a fait grandir. Moi, la ISCO, ça m'a fait grandir en point de vue à apprendre un règlement, puis apprendre des règlements, puis à contrôler une partie, puis à communiquer avec les joueurs et les entraîneurs. Okay. Mais écoute, c'est la Ligue américaine, c'est rendu comme la Ligue nationale, mais il y a une course encore, ça paraît quand il y a des arbitres des fois qui se blessent sans mot dans la Ligue américaine, puis il y a une course, c'est sûr qu'il y a une course. Là. Ça arrive souvent, je me dis qu'il y a des arbitres qui ne sont pas capables de grandir les échelons, ça doit être comme les joueurs de hockey, pas vrai? Ça arrive? Ah oh, oui, il y en a qui parfument dans la Ligue américaine, c'est sûr, c'est comme des joueurs de hockey, il y en a qui... C'est comme je te dis, c'est vite la Ligue nationale, puis il faut que tu sois vite, faut que tu sois rapide, faut que tu aies du jugement. T'as quoi de match d'arbitré? Je pense que tu as passé ton millième match, je pense. Facile? Oui, l'année passée. Je t'aurais dit que t'aurais fait une carrière de 1000 matchs. Quand tu as dit à Michel Tremblay, un jour je vais arbitrer un national, je t'aurais dit, est-ce que tu pensais que c'était pour 1000 matchs? Quand tu signes dans la Ligue nationale, tu veux rester le plus longtemps possible. Mais le match, là, je pensais jamais de me rendre là. Puis écoute, c'était une affaire que j'oublierai jamais dans ma vie. Puis j'ai des bons souvenirs de ça. Puis moi, regardez, c'est ma vie. J'ai eu du monde. On était 150 au party après la game. Puis pendant la journée, je me suis occupé de mon monde. Puis ça a été une journée, une merveilleuse journée. OK. Est-ce que ton meilleur souvenir, c'est quoi? Mon meilleur souvenir, je pense que ça a été ma première game que j'ai arbitré dans l'Ignace à Lens. C'est quand ils m'ont appelé puis ils m'ont dit que je signais à plein temps. Puis quand j'ai fait ma première game, c'était à Columbus, j'ai eu 26 personnes du lac qui étaient descendues de ma famille puis tout. Puis j'étais avec Marc Joannette, Jay Sher, puis je pense que c'est Michel Cormier, je pense, à Columbus. Okay. Fait que oui, ça, c'était un bon souvenir que je vais me rappeler toute ma vie aussi. Okay. Justin Saint-Pierre, on va faire une pause et on revient par la suite. J'ai quelques questions à poser. Vous avez écouté d'en trouver avec Justin Saint-Pierre, les ondes de danadosport.com. L'équipe Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant toute l'année dernière. Polaire 3, au 373 Avenue de la Friche, à Dolbeau-Mistassini, au numéro 418-276-5018. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. À la boucherie François Ladoux, une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux avec le 227 6e avenue. Tous les employés de la direction de boucherie. Vous remercie de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladoux, au numéro de téléphone 418-276-48. Boucherie François Ladoux, au numéro de téléphone 418-276-4888. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Souvent, pour un jeune joueur de hockey, pour un jeune, c'est bien plus facile de se rendre se rende à la Ligue nationale comme arbitre que comme joueur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je sais pas c'est où, de où que ça vient. Mais okay. Écoute, c'est il y a beaucoup d'arbitres qui sont essayés d'arbitrer dans la Ligue nationale, puis même dans la Ligue américaine, puis ils ont pas été capables. C'est sûr qu'un joueur d'hockey, il faut que tu sois vite, il faut que tu sois gros. Mais en tant qu'arbitre, là, je suis aucunement d'accord avec ça. OK. Est-ce que le jeu a changé au cours des dernières années? Ça fait quoi? Ça fait 12 ans que tu es dans la Ligue nationale, non? Je commence ma 18e année. Là. 18e année, monsieur, ça fait longtemps. Ouais. Ça passe tellement vite. Est-ce que tu as vu une grande évolution? Écoute, moi, quand j'ai commencé, c'est là qu'ils commençaient avec l'accrochage, l'obstruction, qu'on laisse ça. Ouais. Mais écoute, l'évolution, il y en a. Les joueurs s'entraînent 12 mois par année à ce moment-là. Ouais. Ça finit plus. Les gars, ils sont vite, ils sont rapides. Les gars, ils arrivent en forme dans le temps. Les gars, ils n'arrivaient pas. Ils s'entraînaient peut-être 2-3 semaines avant de commencer la saison. Puis là, ils arrivaient même au camp. Puis ils s'entraînaient. C'est là que ils profitaient de s'entraîner pendant le camp d'entraînement pour commencer la saison. Mais à ce moment-là, quand t'arrives, les gars, ils arrivent au camp, sont déjà en forme. Ouais. Fait que la vitesse d'exécution, là, puis tout. Est-ce que le fait qu'on dit maintenant que c'est une ligue de jeunes, ça doit paraître aussi, là, sur ça? Ah, ben oui, les gars, ils ont 18, 19, 20 ans, ouais. Là, écoute, c'est... Quand t'arrives avec un joueur de 34 ans, 35 ans, avec 18, 19 ans, là, tu peux quasiment pas rivaliser avec ça pour la vitesse, là. Okay. À moins que le gars de 34 années soit vraiment en forme, puis il y en a des gars en forme, là, Zino Chara, c'est sûr que Chara, il est encore... Il est moins vite qu'il était, mais il fait encore la job. Là. Il est grand, il a une grande portée, puis il fait encore la job. Mais écoute, veux pas, là. Quand Chris Chilios, il a remis Jagger, ça a joué pendant des années de temps. Ça a joué longtemps. Jagger, je l'ai vu encore. Jagger, il doit jouer encore en Russie, je pense, dans KHL, peut-être en Europe, je ne sais pas. Oui, c'est mais moi, les dernières années qu'il a joué ici, il était en Floride, puis... Tu sais, il y avait 40-quelques années, puis il suivait encore, puis il était moins vite, là, mais okay. Il avait encore des mains, puis... Ces personnes-là, ça perd pas les mains. Là. Ils ont des mains puis ils sont capables de faire des jeux encore, mais sauf que la vitesse d'exécution a ralenti, puis c'est normal. Là. Tu donnes combien de temps encore? Je me donne encore 2 ans sûrement, peut-être 3 si jamais. Là, ils m'ont parlé peut-être une 3e année, je ne sais pas encore, mais c'est sûr, à peu près 2 à 3 ans. As-tu commencé à préparer ton plan de carrière d'après... Pas encore, m'a volé ta job, Danny, m'a laissé de la radio. Non, tu vas faire pas mal moins d'argent que dans la Ligue nationale. Non, écoute, j'ai pas pensé à ça encore, je vais bâtir de tranquillement cette année, puis l'année prochaine, j'ai peut-être pensé à ça encore. OK. Justin, merci beaucoup. Je te souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année encore une fois, dans cette année de merde quand même. Donc, je te souhaite une belle année, puis on s'en reparle un autre tantôt. C'est sûr qu'on peut pas trop parler souvent parce que tu n'es pas là pour commenter l'actualité, mais parler de ta carrière, parler des jeunes et ainsi de suite, ben, c'est peut-être la meilleure. Hey, question qui me vient à l'esprit, quel conseil que tu donnerais à un jeune d'arbitre? L'autre fois, je parlais avec Samuel Girard de l'Avalanche, puis... Puis il m'a donné un conseil pour les jeunes joueurs de hockey. Toi, le conseil d'arbitre? Écoute, le conseil que je peux donner aux jeunes arbitres, c'est pas de se laisser influencer. On disait tantôt, le monde qui crie après toi, ça crie après le chandail rayé, ça crie pas après toi personnellement. Puis si tu veux faire carrière, dis-toi que tu vas en avoir des bêtises. Puis ça soit au baseball, au soccer ou au hockey. Hein. Ça fait partie de la vie. Un arbitre, ça fait partie. T'as pas le choix d'avoir des bêtises quand t'es un arbitre. Tu vas avoir des bêtises soit par l'équipe qui perd, puis même des fois, l'équipe qui va gagner, ils seront pas tout le temps contents. Ça fait partie de la vie. Puis écoute, c'est pas, comme je dis, c'est pas personnel. Fait que quand ça arrive d'une game, tu t'en vas chez vous, tu oublies cette game-là, puis tu penses à la game, la prochaine game qui s'en vient pour la lendemain. Les joueurs, je pense qu'ils sont gentils. Hein? Oui, les joueurs, c'est les moins pires. C'est des joueurs. C'est rare que tu fais pas crier. Tu peux te faire crier une couple de fois pour un joueur, mais écoute, un joueur, t'es capable de lui donner un 2 de plus, ben, tu lui donnes un 10, puis après ça, tu lui parles, puis la communication, mais un parent, tu peux pas aller communiquer avec un parent, tu peux pas sortir de la patio aller parler avec un parent, mais un joueur, t'es capable de passer à côté, écoute. Puis tu sais, moi, ça nous arrive, puis je l'explique à des jeunes. Des fois, on voit des coups de bâton, puis on le colle pas, on va voir le joueur, on dit, écoute, tantôt, t'as donné un bon coup de bâton, j'aurais pu coller, c'est un bruit que je t'ai donné, j'ai dit, ça te dérange, tu fais attention. Puis ça, les joueurs, ils respectent beaucoup. Puis ça, tu peux sortir gagnant de ça, mais un parent, tu peux rien faire avec ça. C'est ça que. Puis ben des fois, tu peux même. Tu sais, un parent, c'est. Il y a des jeunes qui sont gênés de leur père quand ils sont dans les stades, puis ils crient après demain. Après les arbitres, puis après. J'en ai vécu, moi, il y a 2 ans, je suis allé au tournoi Piou à Jonquière, puis Hey, c'est débile, là. C'est quasiment... Non. Puis, tu sais, des fois, j'avais envie d'aller voir le jeune, dire, c'est ton père. Puis moi, je connais du monde, j'en connais beaucoup de monde. Puis, aller voir le jeune, dire, c'est ton père, tu parles-tu quand t'arrives à la maison? Mais, tu sais, je l'ai pas fait parce que c'est pas aux jeunes à payer pour ça, mais je me dis, en tant que parent, moi, mon garçon, il joue au hockey, puis j'irais crier après un arbitre dans la main, je serais pas capable. Je trouve que c'est... Ben, c'est parce que... Puis, veut pas. C'est parce que... Souvent, ils se voient comme le... Ils voient le joueur comme un garçon dans la Ligue nationale. Ben, écoute, c'est pas de même que ça arrive. Là. C'est pas de même que ça arrive. Puis, tu sais, c'est, je trouve ça. Non, j'écoute, j'en parle, puis j'en chire de pouce. Ça me fait mal au cœur d'entendre des affaires dans la même. Puis, je pense qu'à un moment donné, il faudrait prendre que les hockey mineurs de la région, même à Québec, là, hockey Québec, il faudrait qu'ils prennent des décisions. Puis, il faudrait que ça change. Je te pose une question là, sur le hockey mineur. Ça serait une bonne idée. J'avais déjà vu ça comme idée. Ça n'a pas été appliqué parce que les arbitres ne veulent pas. Il y en a de moins en moins aussi. Là. Puis, souvent, à cause des parents, je ne sais pas si ça se fait ou ça se fait déjà, mais les parents qui. Il y a une punition à l'équipe. Ben moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, il y avait un parent. Moi, quand j'arbitrais dans le temps, là, j'avais un parent, puis j'avais donné un 2 de banc à l'équipe, puis j'avais fait mettre le parent d'ailleurs. Ah, mais ça prend du chien, c'est ça que je te dis. Moi, j'en avais du chien, puis ça me faisait pas peur. Ça. Moi, le parent, il avait bien beau m'attendre en arrière dehors à sortir après la game, ça me dérangeait pas, j'avais pas peur de ça, mais à cette heure, nos jeunes, puis je dis pas que c'est pas des bons arbitres, ça a aucun rapport avec ça, c'est des très bons arbitres, mais il y en a qui ont pas le gosse, puis il y en a qui sont pas capables de le faire. Il y en a qui se disent, je peux pas faire ça, mais écoute, à un moment donné, faut que ça, c'est ça, faut que tu fasses. Quand ça va arriver, t'avais-tu des nouvelles, là? Ben, t'avais-tu, le parent, t'avais-tu attendu par un nom? Non, ça m'avait arrivé, puis j'avais arbitré encore, je pense, 2 semaines après, puis le parent était venu me voir. Il était venu me jaser, puis il m'avait dit, il t'avait excusé, il dit plus jamais que ça va arriver. Ben, il dit, écoute, il dit là, premièrement, il dit, j'ai puni le club de ton gars. Puis j'ai dit, je suis pas sûr si ton gars était bien fier de ça. Puis j'ai dit, toi, je t'ai mis dehors. C'est comme tu veux, si tu veux le faire encore, j'ai dit, je t'ai prouvé que je suis capable de te mettre dehors, puis je suis capable de punir l'équipe que ton gars, il joue pour. Fait que j'ai dit, je peux le faire encore, ça me dérange pas, j'ai pas peur de ça. Puis c'est excusé, puis ça va m'arriver. Justin, joyeuse fête, bonne année. J'imagine, ah non, c'est vrai, avec la COVID, je partais pour dire, avec pas d'hockey, j'imagine que tu vas venir dans le temps des fêtes, mais avec la non, écoute, je suis parti, moi, je viens de partir du. Je suis arrivé à Columbus vendredi soir à 5h, puis là, on est ici, je suis titre jusqu'à je ne sais pas quand, parce que nous autres, on devrait commencer, on ne sait pas encore. Ouais. Puis après ça, nous autres, les gyms sont ouverts, en tout cas, je m'en vais m'entraîner après-midi, puis je vais aller patiner cette semaine aussi, on a de la patinoire chacun. Ben, Justin, gros merci, on s'en reparle un autre tantôt. Ça fait plaisir, bonne Noël à tout le monde, merci. L'arbitre de la Ligue nationale,